Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de quatre malentendus nietzschéens. Aujourd'hui, épisode 4, deviens ce que tu es. Comment devenir soi-même ? La question a-t-elle un sens ? Au fond, pourquoi devrions-nous être quelque chose ou quelqu'un ? Pourquoi ne pas se concevoir en mouvement perpétuel, tantôt ceci, tantôt cela, en perpétuel devenir, un être de transition qui préférerait les affres du changement au confort de sa stabilité ? Être ou ne pas être quelqu'un ? Telle est la question qui mérite d'être posée, et il y a du boulot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un terme commun, mais que très peu de personnes ne comprennent ou se sont penchées dessus réellement, c'est le développement personnel. Il s'agit de mieux se connaître soi-même, de travailler sur la gestion de ses émotions, de se fixer des objectifs, d'avancer vers une vie plus saine qui vous ressemble, en fait de laisser parler votre passion, vos envies, vos besoins. Dans la vie, tout le monde peut devenir ce qu'il veut être. Vous ne pourrez pas modifier votre nature du jour au lendemain. Mais si vous mettez en place de petites actions, si vous commencez par sortir de votre zone de confort, par réaliser de petits objectifs qui sont atteignables, qui vous ressemblent, encore une fois, c'est à vous de les déterminer ces objectifs, et bien vous ferez le même constat que moi. Le dev perso, c'est réel, ça marche. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être. Dites-moi quelle est votre principale problématique, mettez-la moi dans les commentaires de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous répondre en vous donnant quelques astuces et des exercices. Parce que c'est par l'action que vous allez pouvoir vous développer personnellement. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Bonjour Céline Denat. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, spécialiste de philosophie allemande moderne, membre et coordinatrice du groupe international de recherche sur Nietzsche. Et c'est donc en compagnie de Gloria Gaynor que nous commençons cette émission, enfin celle de Gloria Gaynor, et d'Alexandre Cormon, que vous avez entendu, un youtubeur, coach en développement personnel, qui a 450 000 abonnés. Et quand on écoute l'un et l'autre, qui sont certes très différents, je vous l'accorde, on se dit que la formule de Nietzsche « deviens ce que tu es » n'a aucun sens. Le premier parce que finalement, s'il suffit de vouloir être soi-même pour croire au développement personnel, le dev perso comme il dit, alors pourquoi faire de la philosophie ? Et la seconde parce que si je suis ce que je suis, I am what I am, alors j'ai pas besoin de devenir ce que je le suis déjà. Oui, je pense que dans les deux extraits, aussi différents soient-ils, il y a cette idée effectivement que il y a un nous-même qui est déjà là, alors que peut-être on ne connaît pas encore parfaitement, qu'on doit peut-être découvrir davantage, etc. Mais l'idée, c'est qu'il est là. Enfin, dans le premier extrait, il y a répété plusieurs fois l'expression faire des choses qui nous ressemblent, etc. Donc cette idée simplement que devenir soi-même, ce serait simplement réussir à exprimer ce moi qui existe déjà et qui est tout au plus caché peut-être par diverses scories ou divers accidents en quelque sorte, et que nous n'aurions plus donc qu'à l'extérioriser en quelque sorte grâce à de petits exercices, comme on nous l'a dit tout à l'heure, pour nous développer pleinement. C'est pas ce qu'entend Nietzsche lorsqu'il écrit « deviens ce que tu es ». D'abord, c'est une injonction, c'est pas un coach ne parlerait pas ainsi. Et alors, on retrouve la formule exprimée différemment, « deviens ce que tu es » ou « deviens qui tu es ». D'ailleurs, il y a une distinction entre les deux. Il y a un paradoxe dans cette formule, parce que ce que tu es, tu l'es déjà. Comment peux-tu devenir ce que tu es déjà ? Alors, il y a un paradoxe et peut-être plusieurs, à vrai dire. Il y a un premier paradoxe qui n'existe pas chez Nietzsche, en fait, qui tiendrait précisément à cette croyance que le soi est déjà là. Effectivement, dans ce cas-là, la formule n'aurait pas de sens, parce que si je suis ce que je suis, comme le dit également la chanteuse, alors je n'ai pas à le devenir, je n'ai qu'à le montrer, disons, à le dévoiler. Le deuxième paradoxe, en fait, qui est peut-être un peu plus présent chez Nietzsche, il tient à cet impératif qui porte sur le « devient ». C'est-à-dire que du point de vue même de Nietzsche, nous devenons sans cesse, et en un sens, de l'être, il n'y en a pas nécessairement, en fait. Donc ça peut paraître un peu étrange du point de vue nietzschéen, cette exigence de devenir quelque chose, de devenir en quelque sorte un soi qui serait prétendument stable, c'est ce que semble dire la formule. Et ça, c'est un problème qui mérite d'être réfléchi et peut-être résolu. On peut s'en tenir là déjà. Oui, oui, on va avoir le temps parce qu'il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal. Ce qui est amusant, c'est quand même de voir que Nietzsche est sans doute l'un des philosophes qui a le plus critiqué la connaissance de soi. Et aujourd'hui, on lit cette formule comme étant justement peut-être une recette à suivre dans le cadre du développement personnel. Alors, effectivement, une lecture commune actuellement, c'est celle-ci, cette idée, je vais commencer par prêter attention à ce que je suis pour ensuite me soucier de moi-même, de m'accomplir plus pleinement. Disons qu'à la limite, l'idée, c'est toujours le soi est déjà là et je peux le développer. Le rendre meilleur, etc., accroître, je sais pas, des talents qui sont en quelque sorte déjà présents, disons quelque chose comme ça. L'autre lecture commune, me semble-t-il, et on l'entend d'ailleurs même dans certaines publicités parfois, c'est que c'est une phrase qui est lue comme une espèce d'injonction de la performance, c'est-à-dire ton but, ton désir est celui-ci, par exemple. On l'entend en l'occurrence actuellement dans des pubs pour des clubs de sport, par exemple. Donc dans ces cas-là, c'est ton objectif, c'est la performance sportive et tu vas devenir ce que tu es en t'entraînant dans la salle en question. Ou bien ton but est de gagner énormément d'argent, tu vas devenir ce que tu es en accomplissant ce but particulier. Dans tous les cas, la lecture ne fonctionne pas du point de vue nietzschéen, entre autres pour cette raison que toute position d'un but déterminé revient à se borner soi-même indûment. Et peut-être précisément à exclure de son champ de vision d'autres buts, d'autres fins multiples, d'autres tâches qu'on pourrait se donner pour peut-être, on va dire des choses simplement, pour s'accomplir plus pleinement que lorsqu'on se donne un but unique, une fin unique, de même que lorsqu'on cherche à réaliser ou exprimer une essence prétendument unique et en l'occurrence stable. C'est ça le but, si j'ose dire, dans une formule anti-nietzschéenne. Donc, ce serait quand même, pour bien comprendre cette formule, se défaire de l'idée qu'il faudrait réussir, qu'il y a forcément un but à suivre dans l'action pour que celle-ci soit efficace, mais aussi et surtout que être, et même être quelqu'un, ça va de soi. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui est à s'accomplir. Même l'idée d'être quelqu'un, pour Nietzsche, ne veut rien dire, puisque si, peut-être si nous sommes, nous sommes plusieurs. Alors c'est le paradoxe que vous avez souligné au début, cette idée que nous serions quelque chose ou quelqu'un de déterminé. Chez Nietzsche, n'a pas de sens, ou en tout cas c'est une idée qu'il critique de façon virulente, aussi bien sous la forme de l'idée d'une essence stable, cette idée que j'aurais une nature qui serait déterminée, c'est quelque chose qu'il refuse, et cette idée que je serais un sujet un, ou une personne une, c'est également quelque chose qu'il critique. Ce sur quoi il insiste surtout et souvent, c'est sur le caractère multiple, même si nous ne l'apercevons pas d'emblée, c'est sur le caractère multiple de notre, alors être entre guillemets, du coup il est amené souvent à mettre des guillemets autour de ce terme même, tout comme autour du terme de sujet ou d'âme, etc. Nous sommes une multiplicité de pulsion ou d'instinct, suivant les textes, il emploie des termes différents, il peut aussi employer le terme de passion. Nous sommes constitués d'une multiplicité de tendances, nous ne sommes jamais une substance une. C'est l'une des raisons qui exclut également l'unité d'une fin ou d'un but pour un individu quel qu'il soit. La vie et les aventures personnelles de David Copperfield le Jeune. Vais-je devenir le héros de ma propre vie? Ou bien ce rôle sera-t-il joué par quelqu'un d'autre? C'est à ces pages qu'il revient de le démontrer. Encore aujourd'hui, lorsque je reviens sur les 9 premières années de mon existence, je ne vois que le soleil. Le soleil, à travers la fenêtre du salon où ma mère me donna mes premières leçons. inondant le jardin. Le soleil qui brillait dans ses cheveux lorsqu'elle ramassait des fruits, plus mûrs et plus succulents qu'aucun fruit ne l'a jamais été, dans aucun jardin. Jusqu'au jour où l'ombre tomba sur moi. Bonjour, Madame Copperfield. Monsieur Murdstone. Bonjour, David. Je vois que tu as l'air en forme, mon garçon. Et cette ombre qui tomba sur le jeune David Copperfield est autre que celle de son beau-père. Et à partir de là, sa vie bascule de Céline Dena. Oui. Cet extrait de David Copperfield pour illustrer les trajectoires auxquelles on a envie de penser quand on lit cette phrase de Nietzsche. Et même si on a écouté les émissions précédentes sur Nietzsche, hein, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, cette faculté qu'ont certains personnages de fiction de souffrir et en fait de toujours dépasser leur souffrance pour enfin devenir quelqu'un. C'est emblématique. J'imagine que c'est aussi un contresens. Non, moi, ça ne me paraît pas être un contresens. Il y a chez Nietzsche cette idée, l'exemple, bon, il y a toujours nécessairement des imperfections quand on prend un exemple qui n'est pas proprement nietzschien, mais l'exemple me semble assez bienvenu parce que, ce qui fait que David Copperfield devient ce qu'il est à terme, à savoir un écrivain, on va dire, pour dire les choses rapidement, c'est précisément toutes les choses qu'il subit, pour une part, qu'il n'a pas choisi du tout, que pour une part, il ne comprend pas du tout, non plus dans une large mesure. Je précise que c'est le personnage d'un roman de Dickens. Oui. Ici, on a entendu l'adaptation cinématographique de Simon Curtis. Et ce sont ces épreuves subies, ces rencontres fortuites avec... la petite Émilie et autres personnages du roman, les accidents de son existence qui lui permettent à terme de se constituer en quelque sorte comme ce qu'il était, on va dire, appelé à devenir, même si il n'y a pas dans le roman lui-même et du point de vue de Dickens même, me semble-t-il, de finalité en quelque sorte ou d'idée de destinée. Mais il y a l'idée que c'est dans l'affrontement effectivement de ces diverses difficultés, épreuves, parfois aussi expériences positives et joyeuses, qui font que le héros devient précisément, comme il le dit au début, le héros de sa propre vie, et qu'il peut, pour finir, en faire le récit, sans faire lui-même l'auteur au double sens du terme. Et le terme de héros est approprié, on pourrait le trouver dans le lexique nietzschéen? Alors, on trouve, bien sûr, Nietzsche évoque la notion de héros, mais généralement plutôt pour s'en distancier. En l'occurrence, dans Ecce Homo, dans... le chapitre qui s'intitule « Pourquoi je suis si avisé ?» paragraphe 9, il y a un moment où il dit clairement « Je n'ai jamais été », alors il ne le dit pas exactement comme ça, je vais paraphraser la formule de Dickens, « Je n'ai jamais été le héros de ma propre vie », c'est-à-dire je... De Dickens ou de Nietzsche ? La formule de Dickens du début du roman. D'accord. Lui dit qu'il n'a pas été un héros, que Nietzsche dit, donc qu'il n'a pas été un héros, que pour une part, effectivement, ce qui l'a amené à être ce qu'il est, c'est... une série d'expériences qu'il n'a pas toujours choisies de manière délibérée. Donc Nietzsche récuse l'idée de héros, le héros étant entendu au sens du héros antique qui serait activement appelé à se battre contre des ennemis ou contre le destin lui-même. En fait, Nietzsche ne se conçoit pas lui-même comme un personnage héroïque, malgré d'autres vantardises par ailleurs. Les vantardises, oui, dont il a le secret, qui font tout le sel de ses écrits. Bon, après Gloria Gaynor et Dickens, je crois qu'on nous sommes prêtes. Céline Dena a plongé dans le texte nietzschien et pas n'importe lequel. Voici un extrait des Considérations inactuelles. 1873, un texte dans lequel Nietzsche nous invite à regarder en direction du moi, mais ce moi, il n'est pas à l'intérieur de nous, il n'est pas devant nous, il est au-dessus de nous. Si le grand penseur méprise les hommes, c'est leur paresse qu'il méprise. Car c'est elle qui leur donne l'allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d'enseignement. L'homme qui ne veut pas appartenir à la masse n'a qu'à cesser d'être indulgent à son propre égard. Qu'il suive sa conscience qui lui crie « Sois toi-même. Tu n'es pas tout ce que maintenant tu fais, penses et désires. » Que la jeune âme se retourne vers sa vie antérieure et se demande « Qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour ? Quelles choses t'ont attiré ? Par quoi t'es-tu senti dominé et tout à la fois comblé ? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets vénérés et peut-être te livreront-ils, par leur nature et leur succession, une loi, la loi fondamentale de ton vrai moi. Compare ces objets, voient comme ils se complètent, s'élargissent, se surpassent, se transfigurent mutuellement, comme ils forment une échelle graduée sur laquelle jusqu'à présent tu as grimpé jusqu'à ton moi. Car ton essence vraie n'est pas cachée au fond de toi. Elle est placée infiniment au-dessus de toi, ou du moins de ce que tu prends communément pour ton moi. Tes vrais éducateurs, ceux qui te formeront, te trahiront ce qui est vraiment le sens originel et la substance fondamentale de ton essence, ce qui résiste absolument à toute éducation et à toute formation, quelque chose en tout cas d'accès difficile, comme un faisceau lié et rigide. Tes éducateurs ne peuvent être autre chose que tes libérateurs. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Quel texte, Céline Denain. C'était alors un des plaisirs de parler de Nietzsche à la radio, c'est qu'on peut faire entendre ces textes, et souvent, parce que Nietzsche est quand même un prosateur hors pair, qui a le sens du rythme, de la formule, et même de la mélodie, et ça se voit dans son écriture, et chaque mot est pensé en fonction des autres, si bien qu'on pourrait quasiment passer une heure sur chaque texte, à chaque fois. On n'en a pas le temps, mais bon, les autres textes qu'on entendra sont tout aussi beaux. Avant de commenter le contenu de ce texte, vous aurez peut-être remarqué, on entend le mot de moi et de vrai moi, alors que nous venons de dire que ce terme n'avait aucun sens pour Nietzsche. Un mot sur le texte, enfin sur le livre dont il extrait les considérations inactuelles. J'ai dit c'était de 1873. Le titre est peut-être pas très fidèle à ce qu'il fait parce qu'en fait, au contraire, il commande des sujets d'actualité, j'ose le terme. Alors, pas uniquement. Dans les deux premières inactuelles, effectivement, il s'agit de critiquer deux types de choses qui ont un succès extrême à son époque, à savoir la connaissance historique dans la deuxième inactuelle. Et le succès d'un ouvrage de l'auteur désormais méconnu qui s'appelait Strauss dans la première. En revanche, dans la troisième et la quatrième, il s'intéresse à ces deux personnages que sont Schopenhauer et puis Wagner, et ne sont pas encore à son époque des personnes qui ont un succès franc et massif. En fait, Schopenhauer n'est certes pas le philosophe qu'on enseigne à l'université à l'époque de Nietzsche, et Wagner est un musicien encore bien décrié par beaucoup. Donc, en un sens, les deux premières effectivement critiquent des choses qui ont du succès, précisément pour montrer que peut-être l'époque présente quelques problèmes ou quelques faiblesses. Et paradoxalement, les deux suivantes montrent précisément que l'insuccès, si j'ose dire, de ce philosophe et de ce musicien montre également les faiblesses de l'époque actuelle, d'où le caractère inactuel de ces considérations. Dans le texte qui vient d'être lu, on est dans la troisième, donc celle qui porte sur Schopenhauer, qui s'appelle précisément Schopenhauer éducateur, et le modèle, ou l'exemple en tout cas, d'éducateur que Nietzsche présente dans cet ouvrage, c'est précisément l'exemple de Schopenhauer qu'il ne connaît pas, mais qu'il a lu. Il ne le connaît pas ? Non, il l'a découvert assez jeune, quelques années auparavant. Il a été tout à fait enthousiaste, comme cela est généralement bien connu. Et dans cette énigme actuelle, il professe à la fois son admiration pour l'homme, Schopenhauer, pour son indépendance, sa capacité à se mettre à l'écart, etc. Il y a quand même une réputation dont on rit presque aujourd'hui, tellement il était impopulaire. Il est connu pour avoir vécu avec son chien jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est précisément, je pense que ce qui intéresse Nietzsche, c'est précisément le caractère. Je pense qu'il est pas totalement ignorant non plus du caractère caricatural de cette figure, mais c'est précisément ce caractère excessif aussi qui l'intéresse. C'est-à-dire le fait que quelqu'un soit capable de façon aussi radicale et d'une façon que l'époque de Nietzsche et la nôtre considèrent comme risible, de se faire en quelque sorte un ermite pour parvenir à penser de manière indépendante. Du point de vue nietzschien, le fait que l'on se moque de quelqu'un comme Schopenhauer est sans doute un symptôme aussi des valeurs et des préférences qui sont les nôtres. Nous pensons que quelqu'un qui s'isole pour parvenir à penser de façon indépendante en ayant pour seul compagnon que son chien est quelqu'un dont on ne peut que se moquer. Et Nietzsche n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. Nous vivons en troupeau, dit-il. Voilà, c'est ça. Et oui, au début du texte, d'ailleurs, cette idée de que ce qui guide un grand nombre d'hommes, c'est la paresse qui fait qu'ils se conforment, somme toute, aux idées, aux opinions, aux valeurs de leur temps. La phrase est géniale. Sans jamais s'interroger. Il dit, si le grand penseur méprise les hommes, alors là, on peut se dire qu'il parle de lui, ou en tout cas, ou Schopenhauer, en tout cas, quelqu'un qui l'apprécie. Les deux, probablement. Voilà. C'est leur paresse qu'il méprise, car c'est elle qui leur donne l'allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d'enseignement. Oui, l'une des choses qui soucie, qui inquiète même Nietzsche à l'égard de son époque, c'est le fait que la plupart des hommes se soumettent sans jamais les questionner aux valeurs qui sont celles de leur époque, sans voir les problèmes que peuvent poser ces valeurs sur le plan culturel en général et aussi, le cas échéant, sur le plan individuel de la vie de la vie de chacun. D'où cette idée que la jeune âme, hein, dit Nietzsche, devrait parvenir à s'interroger sur elle-même. Et s'interroger sur elle-même, ça signifie d'une part être capable de se reporter à son passé, à ses expériences passées, qu'as-tu aimé, qu'est-ce qui t'a attiré, etc. Ce qui, dans ce texte, manifestement, devrait permettre de discerner des goûts individuels qui permettraient à la jeune âme de se distinguer de la foule uniforme, pour travailler précisément à s'en distinguer. Et l'idée, c'est toujours que repérer ses goûts ou bien ce que les expériences passées nous ont révélé sur nous-mêmes n'est pas constitutif pour autant d'un moi préexistant, mais qu'elle nous appelle à de nouvelles expériences, qu'elle nous appelle à un travail. Alors, on risquerait de s'approcher du développement personnel oui. Si on n'est pas prudent dans nos, si nous ne sommes pas prudents dans nos formulations, mais en tout cas à cette idée que je ne dois pas rester ce que je suis, ou plutôt ce que je crois être, puisque je ne suis au sens strict rien de nécessairement déterminé. Et je dois considérer que mon moi est toujours au-delà de moi. Ça ouais. signifie deux choses. Ça signifie, un, que quoi qu'il arrive, je suis toujours en devenir. Quand bien même je me donnerais l'illusion d'être un moi stable, une personne bien figée et bien forgée et bien assise, je ne le suis jamais. Et la deuxième idée, plus spécifique et peut-être plus importante, c'est que dans ce devenir, je dois faire en sorte de devenir davantage que ce que j'étais ou que ce que je suis, entre guillemets, toujours actuellement. Ben, il y a un double mouvement. Il y a le devenir. Oui. Et il y a celui que fait cette jeune âme que Nietzsche invite à se retourner sur sa vie antérieure et à se demander, qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour? Quelles choses t'ont attiré? Par quoi t'es-tu senti dominé, tout à la fois comblé? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets vénérés et peut-être te livreront-ils, par leur nature et leur succession, une loi, la loi fondamentale de ton vrai moi. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces lignes, c'est que c'est à travers le prisme, comme vous l'avez dit, du goût, de l'amour, en fait, que la loi, pourquoi y a-t-il une loi, ça vous nous direz, hein, du moi va s'imposer à nous. C'est qu'ici, c'est qu'est-ce qui, toi, jeune âme, t'a uni au monde, t'a plu dans ce monde? Eh bien, c'est là que se trouve ton moi. Alors, l'idée, c'est de, qui est exprimée d'une manière que Nietzsche récuserait sans doute, effectivement, la formule de vrai moi. En oui, la loi fondamentale de ton vrai moi, on dirait pas dès cette époque, je pense qu'il, ça n'est pas une idée à laquelle il croit à la lettre, en fait. Il emploie encore des manières classiques de s'exprimer qu'il récusera assez largement par la suite. Mais néanmoins, il y a cette idée qui, par contre, ne sera, à mon sens, pas récusée, qui est que on doit tenir compte, effectivement, de son expérience et de son expérience passée pour déterminer sa propre singularité. Précisément pour ne pas, je vais le dire vulgairement, se noyer dans la masse ou se noyer ou se trouver pris par les goûts de tout le monde, dira-t-on. Pour prendre un exemple un peu naïf, mais qui est un exemple de Nietzsche lui-même dans un texte beaucoup plus tardif, de nouveau dans Ecce Homo. Nietzsche raconte comment il a appris en quelque sorte progressivement à prendre soin de lui-même. Il a appris que certains aliments lui convenaient, que d'autres le rendaient malade, que certaines œuvres d'art ou que certains types de musique lui permettaient d'être gai ou de se sentir mieux. Et il sait désormais ce qu'il doit choisir. Il sait ce qui lui convient à lui en tant qu'individu. Il a appris en ce sens à s'éduquer lui-même ou à se former lui-même, là où en général on ne fait que suivre ce que disent les coachs de développement personnel ou bien le cas échéant les conseils généraux qui sont censés à tort s'imposer à tous. Mais là on sent une contradiction quand même. Comment peut-on d'un côté se soustraire au troupeau et de l'autre ne pas souscrire à l'idée d'un moi? On parle de singularité, mais pas de moi. Alors, qu'est-ce que c'est, cette chose que nous sommes et qui ne doit pas se fondre dans la masse, mais ne peut pas non plus s'identifier à une substance moi? Alors, cette singularité, on l'a dit tout à l'heure, elle est constituée par une multiplicité, de pulsions ou de passions ou d'instincts. Et c'est sa hiérarchie particulière, entre autres, qui constitue sa singularité. Il y a en moi, par exemple, tel et tel type de passion ou de pulsion qui domine. Je vais prendre des exemples simples. Mmh. Par exemple, le goût pour l'activité philosophique domine d'autres types d'instincts. Ou bien le goût pour la vérité, que Nietzsche n'aime pas beaucoup, domine d'autres types de besoins et d'instincts. Ce type de domination, ce type de hiérarchie, va constituer ma singularité propre. Je prends des exemples excessivement simples, beaucoup trop simples en fait. Il faudrait dire qu'en moi, il y a certains types de pulsions qui sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres et qui font que je suis un individu singulier et non pas une substance singulière. C'est-à-dire, mais quelle différence ? La différence, c'est qu'on conçoit un moi, généralement, qui est constitué comme une unité singulière, un je qui serait préexistant et qui serait absolument un, et qu'on pourrait définir en une phrase. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de prendre des exemples, parce que je ne peux pas définir en une, ni même en quelques phrases, ce que je suis, la complexité qu'il y a en moi, et dont je ne suis, aux yeux de Nietzsche, pas totalement consciente, par ailleurs, ne peut pas être définie en quelques énoncés successifs, en réalité. Donc, il y a de la singularité, mais de la singularité qui n'est pas substantielle et qui recouvre de la multiplicité. Donc, je suis plusieurs, mais pas les autres. Alors, nous sommes tous plusieurs. Oui, non, mais je dis je parle pas de moi. Je dis je, tout le monde peut dire je, l'individu dit je. Oui, et Nietzsche dit plusieurs, je. Oui. Et Nietzsche dit je sans cesse, parce que le langage ne nous offre pas d'autres possibilités véritablement commodes. Nietzsche ne cesse de dire qu'il faudrait un nouveau langage pour exprimer proprement ce qu'il cherche à dire. Mais il y a un moment où, si on veut pouvoir continuer à parler, il faut employer des termes communs du type « je et moi » tout en se rappelant que ce « je » et ce « moi », bien que ce soit des unités lexicales, ne renvoient pas à des unités ontologiques, à des unités réelles. C'est ça. En fait, je veux dire, je suis plusieurs, mais je ne suis pas les autres. C'est que nous sommes... La pluralité n'est pas celle du troupeau. Alors, auquel je me suis soustrait. Je peux le devenir quand je me constitue comme partie du troupeau où nous sommes en Alors, le texte, aussi, avant d'en entendre un autre, le texte nous livre aussi quand même, alors même si on n'est pas dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, et nous livre peut-être une action que l'on peut faire pour parvenir à atteindre ce moi qui est placé infiniment au-dessus de moi, nous dit Nietzsche, eh bien ce sont les éducateurs. Le terme fait un peu peur en français, éducateur, on ne dit pas professeur, on dit éducateur, qui, nous dit Nietzsche, ne peuvent être autre chose que des libérateurs. Mmh. Éduquer, c'est libérer pour Nietzsche ? Alors en tout cas, la première tâche, c'est pas nécessairement la dernière, mais la première tâche de l'éducateur, effectivement, c'est d'apprendre à ses élèves ou disciples, tout terme devient ici un peu problématique, à s'affranchir de ce qui les contraint dans un premier temps. Et dans un certain nombre de textes, du coup, de façon conséquente, Nietzsche dit que l'éducateur doit apprendre à ses élèves à s'affranchir, y compris de l'éducateur lui-même, en fait. Ça signifie que ça n'est pas pour rien que Nietzsche emploie le terme d'éducateur ici, parce qu'il fait en l'occurrence beaucoup dans les inactuels la différence entre ceux qui éduquent et ceux qui instruisent, suivant une distinction assez classique. Le véritable éducateur, ça n'est pas tant celui qui dispense une somme de savoir, une instruction, que celui effectivement qui apprend à la jeune âme à ne pas croire ce qu'on lui dit, à ne pas en rester à ce qu'on lui a appris. Jusqu'ici, à se questionner, à apercevoir des problèmes qui n'ont pas été vus jusque-là, etc., etc. Donc la première tâche d'un authentique éducateur, pour Nietzsche, c'est celle-ci. Et on voit dans un certain nombre d'écrits nietzschiens que c'est la première tâche qu'il s'assigne à lui-même, c'est-à-dire mettre au jour des problèmes que, selon lui, les philosophes, entre autres, n'ont pas su voir jusque-là. Il enseigne à cette date ? Il a des étudiants ? À l'époque des inactuels, oui, il enseigne encore, mais il enseigne la philologie. Donc il est, c'est l'une des choses qui sans doute le fait souffrir. Il est un instructeur dans une large mesure, puisqu'il apprend à ses étudiants à analyser de près des textes anciens, etc. Sa tâche de professeur n'est sans doute pas à ses yeux une tâche d'éducateur. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il est tout à fait heureux de se trouver affranchi de cette tâche quelques années plus tard, à partir de 78-79, si je ne dis pas de bêtises. Et qui considère-t-il comme ses propres éducateurs ? Alors Schopenhauer, manifestement, à cette époque, il ne reniera pas entièrement cette idée que que l'homme Schopenhauer, que le modèle schopenhauerien a constitué un moment, une étape de son parcours, et que même s'il ne croit pas à la philosophie schopenhauerienne, en un sens, l'exemple de Schopenhauer à certains égards a été important. Bien sûr, on peut considérer à cette époque aussi que la personne de Wagner est une figure aussi extrêmement importante pour lui, parce qu'elle l'incarne à ce moment-là. Il va bien sûr revenir sur ce jugement, mais il incarne la figure du penseur tout à la fois artiste, qui se donne pour tâche de réformer la culture allemande. Et en un sens, c'est quelque chose qui séduit Nietzsche à cette époque de sa vie. Vous parlez de Wagner, et bien Wagner, le voici, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été convié à cette table. De miel. Avec mon meilleur appât, j'appâte aujourd'hui les plus étranges poissons humains. Mon bonheur lui-même, je le jette au loin, à tous les horizons, entre le lever, le midi et le coucher, pour voir si beaucoup de poissons humains n'apprennent pas à tirailler et à gigoter à mon bonheur. Jusqu'à ce que, mordant à mes hameçons pointus et cachés, ils soient contraints de s'élever à ma hauteur. Eux, ces poissons des profondeurs, ces goujons multicolores, vers le plus méchant des pêcheurs d'hommes. C'est ce que je suis, en effet, par nature et depuis l'origine, tirant, attirant à moi, tirant vers le haut, attirant, un tireur, un dresseur, un éducateur qui attire, qui jadis ne s'est pas dit en vain à lui-même, deviens qui tu es. Du crépuscule des dieux de Wagner à Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. Le texte que l'on vient d'entendre, Céline Denat, a été écrit 10 ans après celui que nous avons entendu précédemment. Eh bien, en 10 ans, tout a changé, puisque la formule, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas « deviens ce que tu es », c'est « deviens qui tu es ». Et dans ce glissement s'opère un changement important. Je suis pas certaine que le changement entre les deux formulations, enfin à mes yeux, que le changement entre les deux formulations soit si important que cela, parce que vous me direz peut-être ce que vous voyez comme changement important, mais deviens qui tu es, on entend la référence à une personnalité, quelqu'un qui ce que tu es, ça peut être autre chose finalement, c'est pas une personnalité, c'est quelque chose qui était déjà là, ça peut être une puissance, une force. Deviens qui tu es semble impliquer une personnalité définie. Il y a la notion d'identité qui est plus forte. Oui, mais précisément chez, je dirais que chez Nietzsche, l'une et l'autre formule peuvent être considérées comme interchangeables dans la mesure où Nietzsche accepte parfois de désigner les individus par des pronoms, etc. Enfin, tout en disant par ailleurs que le pronom recouvre encore une fois une multiplicité, voire du chaos, etc. Donc pour ma part, je ne verrai pas de distinction fondamentale, mais ça peut bien sûr être discuté, entre l'exigence de devenir ce que l'on est, qui d'ailleurs en français traduit parfois la traduction d'un pronom en réalité dans la formule allemande, et l'exigence de devenir qui l'on est, parce que pour Nietzsche, nous sommes entre guillemets autre chose qu'une personnalité, une multiplicité de pulsions, mais cette multiplicité de pulsions, elle peut être désignée d'un qui. Ou d'un pronom quelconque sans que cela pose particulièrement problème. Donc Moi, je considérais les choses simplement comme deux variations de formules pour une même idée. Mais il y a pourtant quelque chose qui a changé en 10 ans, non, entre les deux textes. Alors, ce qui a changé, très certainement, c'est que Nietzsche a manifestement découvert de façon plus ferme la tâche qu'il estime être la sienne, qu'il voyait peut-être se dessiner dès le début des années 1870, mais dans les années 80, il dit plus explicitement que la tâche qui est la sienne, c'est une tâche d'éducateur. Alors, il emploie aussi parfois le terme de dresseur ou d'éleveur, ce qui peut avoir l'air choquant, comme il le fait dans ce texte. Mais alors, si on considère que Zarathoustra est en quelque sorte une incarnation, une représentation de ce que Nietzsche entend dire et faire, ces notions de dressage et d'élevage renvoyant toujours à l'idée que ce qu'on doit transformer, ce n'est pas l'homme en tant qu'âme ou en tant qu'esprit, mais l'homme en tant que totalité, à la fois corps et esprit, en tant que totalité physio-psychologique, d'où cette idée qu'on ne fait pas qu'éduquer un esprit, mais qu'on élève en quelque sorte un être vivant. Donc le changement, il est avant tout là, dans cette idée que la tâche de Nietzsche est désormais explicite. Il s'est découvert en quelque sorte au fil de son existence en tant qu'éducateur. Avec une petite nuance tout de même, si on suit le texte, qui est que dans ce chapitre, au tout début de la quatrième partie de Ainsi parlait Zarathoustra, celui-ci, de façon certes assez paradoxale, monte sur une montagne afin de parvenir à pêcher, ce qui semble être assez peu judicieux. D'étranges poissons humains. D'étranges poissons humains. C'est ce texte qui est étrange. Alors, il s'éloigne des hommes pour tenter de pêcher des poissons humains, ce qui semble n'avoir aucun sens. Il s'est élevé sur la montagne où il n'y a personne pour pêcher des poissons humains. Ce qu'indique manifestement ce texte, c'est que Nietzsche a découvert la tâche qui est la sienne, une tâche d'éducateur, mais c'est une tâche qui demeure en cours et encore à venir, parce que jusque-là, personne n'a mordu à l'hameçon. Et qu'il faut, en un sens, prendre de la distance, ou continuer à prendre de la distance, et non pas tenter de se rapprocher d'emblée des hommes, parce que, pour être entendu, il faudra encore du temps et de la patience, et, du point de vue Nietzsche, continuer à écrire en espérant être compris un jour ou l'autre. Ce texte fait écho cette image du pêcheur d'hommes, hein, suivant la formule qui est dans le texte, qui bien sûr fait écho aux évangiles de façon polémique ou parodique. Elle trouve en écho dans Ecce Homo, au début du chapitre sur Par-delà bien et mal, où Nietzsche dit « Tous mes écrits sont mes hameçons ». Mais jusque-là, ces hameçons n'ont rien pris, hein, je paraphrase, cela n'est pas de ma faute, il n'y avait pas de poisson. Ce que représente Zarathoustra ici, c'est cette situation du penseur qui se veut philosophe et éducateur, éleveur, et dont la tâche néanmoins reste en quelque sorte pour l'instant vaine, non pas par sa propre faute, mais parce que personne n'a répondu jusque-là à son appel, en quelque sorte. Et donc on trouve cette idée que la tâche, on a beau l'avoir découverte, elle n'est pas achevée pour autant. Il va falloir continuer à chercher des disciples ou des élèves qui acceptent de l'entendre et éventuellement de le suivre, en fait. Et Nietzsche se plaint constamment. Oui, c'est ça. De n'être pas entendu. Il y a juste dans les tout derniers écrits où il manifeste un enthousiasme, alors peut-être un peu excessif, sur les quelques lecteurs qui l'ont enfin découvert et qui l'admirent, etc. S'il l'avait su. Mais c'est toute l'ambivalence de ces textes, et surtout dans Ainsi parla Zarathoustra, qui est quand même un texte très étrange, hein, pour le coup, à lire, oui. Avec un ton particulier, on entre la Bible et la poésie, et la philosophie, que à la fois de sentir le fait que Zarathoustra ne doute pas un instant qu'il ait quelque chose à apporter aux autres, à transmettre, et donc il ne doute pas de sa supériorité, et même de son sens du sacrifice absolument justifié, et ce faisant, il se rend antipathique à ceux qui le lisent. Vous voyez, il y a cette ambivalence permanente, oui, et chez Nietzsche aussi, sans doute, d'ailleurs. Tout comme au début du Zarathoustra, lorsque celui-ci essaie de s'adresser à la foule, il ne récolte rien d'autre que des rires et des moqueries, et puis on lui enjoint de quitter la ville au plus vite, en gros. Et effectivement, Nietzsche est bien conscient que la manière dont il écrit, premièrement, est difficile à comprendre. Il y revient assez largement dans les préfaces. Surtout dans le texte, oui. Et en particulier dans Ainsi parlait Zarathoustra. Encore qu'il avait l'idée que peut-être il y aurait une séduction propre à cet écrit qui était Ainsi parlait Zarathoustra. Mais il est en tout cas conscient que l'ensemble de ses ouvrages est, comme il le dit parfois, extrêmement difficile d'accès. Qu'il est difficile à lire et que, aussi bien pour des raisons proprement philosophiques, que pour des raisons de style, et j'allais presque dire d'humeur, en fait, il ne sera pas compris, pas simplement parce que c'est difficile, mais aussi parce qu'il sera insupportable à beaucoup. Mais il le dit également, en un sens, jusqu'à un certain point. Cela ne dérange pas, et cela fait même partie, jusqu'à un certain point, d'un choix de sa part. C'est-à-dire, il ne veut pas être compris de tous. Il souhaite mettre certains lecteurs à l'écart. Il le dit parfois de façon extrêmement méchante, entre autres dans Ainsi parlait Zarathoustra, avec cette idée de laisser les pourceaux à l'écart, en reprenant l'image du troupeau, mais sous une forme encore plus cruelle. Donc, il ne veut pas être compris de tous. Néanmoins, il aimerait être compris au moins de quelques-uns, en fait. Et même ces quelques-uns, jusqu'en 1888, il n'est pas acquis qu'il les ait trouvés, en fait. D'où, effectivement, entre autres, ce texte de Zarathoustra et le passage d'Ecce Homo que j'évoquais il y a quelques instants. Est-ce que vous le trouvez difficile à lire après l'avoir étudié pendant si longtemps? Oui, moi je continue à le trouver difficile à lire. L'habitude et l'exercice font qu'on parvient plus vite à repérer les difficultés et à retrouver parfois des solutions, des éclaircissements, mais c'est un auteur qui volontairement se rend difficile à lire et qui, à mon avis, réussit parfaitement, même pour des lecteurs qui y travaillent depuis un moment. Bah, est-ce si sûr? Parce qu'on peut se demander aussi si finalement le fait de ne pas vouloir s'adresser à tous ne serait pas une posture adoptée après le constat qu'il ne parvenait pas à s'adresser à tous. C'est une question qu'on peut se poser pour l'histoire de la philosophie en général. Peut-être est-ce l'incapacité de s'adresser à tous qui fait adopter par certains philosophes l'attitude de celui qui, de toute façon, ne voulait pas s'adresser à tout le monde. C'est vrai qu'on pourrait être tenté d'interpréter la chose en ce sens. Mais c'est très difficile, en fait, de s'adresser au plus grand nombre. Et c'est souvent plus difficile que de s'adresser à ses collègues. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus difficile que de parvenir à faire comprendre des choses extrêmement complexes à un grand nombre et sans, si j'ose dire, saboter les difficultés. Oui, c'est ça, sans céder sur les exigences. Mais pour revenir à votre question, ce qui me semble nous contraindre à modérer effectivement cette interprétation qui consisterait à dire c'est le renard et les raisins, je n'ai pas de lecteur, donc je vais déclarer que je n'en veux pas. Voilà. Ce qui modère la chose, c'est le souci qu'a Nietzsche des questions relatives à la langue, constamment. Dans son premier ouvrage, il estime, pour des raisons diverses et variées, qu'il a écrit de manière peu compréhensible, entre autres parce qu'il a écrit de manière trop érudite, complexe, et surtout qu'il a fait usage d'un langage, d'une langue classique, métaphysique, qui a déformé son propos. Dans Les Inactuels, c'est sans doute encore un peu le cas, il est contraint de faire usage d'un langage philosophique commun ou d'un langage commun tout court, ce qui lui semble de nouveau ne pas répondre à la spécificité de sa pensée. Et constamment, dans les ouvrages suivants, on va le voir travailler à mettre en place un vocabulaire spécifique et des formulations spécifiques pour parvenir à dire une pensée qui, selon lui, est authentiquement singulière et originale. Et l'argument qui lui fait dire assez tôt qu'il sera difficile à comprendre, c'est le fait qu'il s'attache à ne pas user d'une langue commune, même si elle est en apparence, c'est bien ça qui est difficile. Il tend à déformer le sens des termes et du coup on croit lire une chose alors qu'en fait parfois il en dit une autre. Il y a tout de même, même si on peut à côté de cela garder l'interprétation un peu dépit peut-être, il y a tout de même un effort de travail sur la langue qui rend nécessaire d'admettre que on ne pourra pas être lu aisément, et c'est ça qu'il dit exactement, je ne pourrai pas être lu aisément immédiatement par tous. Il ne dit pas qu'il ne pourra jamais être lu par tous, mais que il y aura des difficultés, pardonnez-moi pour le pléonasme, difficiles à surmonter en matière de lecture. Et puis c'est un tel écrivain et prosateur qu'on a difficile de croire qu'il fait usage de mauvaise foi à l'égard de son rapport à la langue, vous avez raison. Il nous reste un texte à écouter, alors là c'est le dernier texte, dernier ouvrage publié de son vivant, Ecce Homo, Nietzsche est devenu Nietzsche, je pense qu'on peut le dire, deviens ce que tu es, là il est, Nietzsche est devenu lui-même. Pour donner une idée de ce texte, il est composé de 4 parties, pourquoi je suis si sage, pourquoi je suis si malin, pourquoi j'écris de si bons livres et pourquoi je suis une fatalité. Eh bien, vous allez entendre un extrait de « Pourquoi je suis si sagace », paragraphe 9. Vous entendrez la formule qui atteint son apogée à ce point du travail de Nietzsche. « Comment devient-on ce que l'on est ? C'est là que j'atteins ce qui, dans l'art de l'autoconservation, de l'automanie, est un véritable chef-d'œuvre. En admettant en effet que la tâche, la détermination et le destin de la tâche est une importance supérieure à la moyenne, le plus grave danger serait de s'apercevoir soi-même en même temps que cette tâche. Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne pressente pas le moins du monde ce que l'on est. De ce point de vue, même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur, et pour un temps, les chemins détournés, les voies sans issue, les hésitations, les modesties, le sérieux gaspillé à des tâches qui se situent au-delà de la tâche. En cela peut s'exprimer une grande sagacité, et peut-être la suprême sagacité. Là où le « nosce te ipsum » serait la recette pour décliner, c'est s'oublier, se mécomprendre, se rapetisser, se borner, se médiocriser qui devient la raison même. Pendant ce temps, l'idée organisatrice, celle qui est amenée à dominer, ne fait que croître en profondeur. Elle se met à commander, elle vous ramène lentement des chemins détournés, des voies sans issue où l'on s'était égaré. Elle prépare la naissance de qualités et d'aptitudes isolées qui, plus tard, se révéleront indispensables comme moyens pour atteindre l'ensemble. Elle forme l'une après l'autre les facultés auxiliaires avant même de rien révéler sur la tâche dominante, sur le but, la fin, le sens. Considérez sous cet aspect, ma vie est tout simplement miraculeuse. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Il nous reste très peu de temps pour commenter ce texte magnifique, Céline Denat, mais tout ce que nous avons dit jusqu'à là permet à l'auditeur de le comprendre, de le recevoir, peut-être un peu mieux armé qu'il ne l'aurait été en début d'émission. Juste quand même, repartons de cette phrase géniale, la dernière phrase. Considérée sous cet aspect, ma vie est tout simplement miraculeuse. Que veut-il dire par là ? Oui, alors toujours la modestie oui. Bien connue. Il faut remettre la chose un tout petit peu en contexte, si j'y arrive brièvement. Le propos, le but avoué d'Ecce Homo, qui est donné dès la préface de l'avant-propos de l'ouvrage, c'est Nietzsche de faire connaître qui il est, et faire connaître qui il est, non pas juste pour le plaisir de se faire connaître, mais précisément pour que sa tâche d'éducateur puisse s'accomplir, en fait. Pour que sa tâche de transformateur de valeur puisse s'accomplir. Donc il y a une stratégie dans ces textes de mise en évidence de son caractère exceptionnel. Regardez comme j'ai su me transformer moi-même, regardez comme j'ai su me guérir moi-même. Si j'ai été un si bon éducateur pour moi-même, c'est bien la preuve que je peux aussi être un éducateur pour d'autres hommes. Donc ce côté, ma vie a tout simplement été miraculeuse, c'est une manière de montrer à quel point ça a bien marché ouais. pour lui. Toutes ses expériences tout au long de son existence l'ont amené à atteindre ce qu'il aperçoit rétrospectivement comme le but, et le terme est entre guillemets dans le texte, à savoir effectivement devenir un philosophe éducateur, devenir un philosophe qui tente d'élever les hommes. Et le texte est long et difficile, mais en un sens il synthétise bien certains des points qu'on a évoqués tout au long de l'émission, en particulier cette idée paradoxale et qui vraiment nous écarte du développement personnel de tout à l'heure. Cette idée que pour parvenir à son but, entre guillemets, pour parvenir à accomplir sa tâche, il ne faut absolument pas pressentir, dit Nietzsche, la nature de sa tâche. Il ne faut pas savoir à l'avance ce que l'on va devenir ou ce que l'on veut devenir pour devenir ce que l'on est. Et il dit de ce point de vue... On fuit les voyantes. Alors ça, certainement, à supposer qu'elles aient raison, surtout fuyons-les. L'idée qui est nettement mise en évidence ici, c'est ce sont toutes les bévues de l'existence. Par exemple, disait le paragraphe précédent, le fait qu'il se soit fait précisément philologue, savant, ce qui devait sembler l'écarter de sa véritable tâche de philosophe. Finalement, c'est quelque chose qui sert cette tâche, parce que, dira-t-il ailleurs, ça lui a appris la rigueur. Etc. La rigueur du jugement, le sérieux, la patience, etc. Donc tout ce qui pourrait sembler éloigné de la tâche, dans une visée rétrospective, en fait, y participe. Si l'on s'était fixé trop tôt un but absolument déterminé, peut-être ne l'aurait-on pas atteint, ou peut-être ne l'aurait-on pas atteint aussi bien. Difficile à mettre en œuvre, hein. Deviens ce que tu aimes et ne te fixe pas de but. Mais ne te fixe pas de but. Ça signifie, si on le dit plus positivement, ça signifie, pour revenir à cette idée de multiplicité, que se fixer un but, ça revient d'emblée à borner son être. Si je décide que mon but, c'est de devenir professeur, alors tel est mon but et tous mes efforts